Gros, je suis dans le top 10, mets-moi de la beurre en plus, de la vodka dans le cocktail, et que Dieu nous protège d'être le premier du cortège. Hein? Je vais leur faire un bordel. Gros, je suis dans le top 10, mets-moi de la beurre en plus, de la vodka dans le cocktail, et que Dieu nous protège d'être le premier du cortège. Aller-retour en Turquie, par maman bicortège. Tu parles de nos petits fils de, on sait que les schmitts nous pistent. Bientôt, je me taille au bled, nique les balances et le fisc. Les indiquer l'autrice, pour l'amour du risque. Je sais qu'il y a toujours pire, j'ai hamdoulé, même quand je suis triste. Avant j'avais des gérants, là j'ai un comptable. Si tu veux de la, j'ai 2-3 contacts. C'est vrai que c'est nous qui l'avons, mais crois pas qu'on tape. L'alias est compact, mais ta mère toi une cala dans la Dacia. On va leur faire une razzia, lunettes de Matrix. C'est nous la baby mafia. Laisse les sucer le Barça, nous c'est l'OM et basta. Lunettes de Matrix, c'est nous la baby mafia. Une cala dans la Dacia, on va leur faire une razzia. C'est nous la baby mafia. Laisse les sucer le Barça, nous c'est l'OM et basta. La baby mafia. J'ai le choix entre gérer un réseau ou un McDo. Le SMIC à 1200€ ou le Mago. Une feuille, une blonde, un pétard et un pago. Si tu prends un 50€, on t'offre un cadeau. J'finis ce que j'ai à faire et j'compte me casser sur une île. Loin de ces hypocrites, ma voix sera plus qu'un souvenir. En vrai, j'pensais que c'était mes potes qu'allaient me soutenir. J'me suis trompé sur toute la ligne, ils aimeraient me finir. Si Dieu exaucé leur vœu, mon nom serait gravé sur une pierre. Mes frères, la guerre interdit que je la perde. Alors j'garde mes amis très proches et mes ennemis encore plus. Ça y est, on a grandi. Et à nous, on nous endort plus. Une cala dans la Dacia, on va leur faire une razzia. Lunettes de Matrix, c'est nous la baby mafia. Laisse les sucer le Barça, nous c'est l'OM et basta. Lunettes de Matrix, c'est nous la baby mafia. Une cala dans la Dacia, on va leur faire une razzia. C'est nous la baby mafia. Laisse les sucer le Barça, nous c'est l'OM et basta. C'est nous la baby mafia. C'est nous la baby mafia. C'est nous la baby mafia.